dans l'objectif de faire la promotion du club, mais aussi du sport. Bye. Et deux jeunes également vont participer à une compétition importante, explique Pierre-Luc Ménard. D'Élisabeth Simard au 3000 mètres marche juvénile et Caroline Dufour au 1500 mètres marche juvénile, cadettes qui se sont classées sur l'équipe Québec pour aller au championnat national jeunesse qui va avoir lieu du 11 au 13 août au Manitoba. Donc, c'est une première quand même dans l'histoire du club qu'on va avoir deux personnes, deux athlètes qui se classent pour l'équipe Québec en même temps. Deux marcheuses, on est très, très fiers d'eux. Ils s'entraînent très fort. Fait que eux, la saison va se terminer après la Légion, donc elle, ça se prolonge un peu pour ces deux jeunes athlètes-là très, très persévérantes qui ont montré vraiment là, un bon temps. Ils ont fait des belles courses, des belles performances, toute cette classe-là. On a aussi Maintenant, il y a une série qui va revenir à Saint-Félicien, c'est samedi prochain, c'est les Mini Sportsmen, c'est une série de courses automobiles qui va s'adresser aux jeunes entre 7 et 15 ans, qui vont à des vitesses quand même relativement vite pour des jeunes, c'est de maximum 95 000 à l'heure, donc ça va avoir lieu samedi soir, la série qui a été conçue en 2014. Et puis, il y a une question de l'autodrome. Il y aura également la série Sportsman qui sera là et les gens qui seront présents à l'autodrome pourront voir le jeune Xavier Pelchat qui est promu un bel avenir en course automobile. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec François Potvin du baseball à Normandin. Également, Pierre-Alexandre Bédard vient nous parler de sa belle performance ou de sa prestation plutôt au tournoi Mackenzie King qui a lieu récemment. Et Frédéric Daigle nous parle de l'actualité dans le monde du sport, du dossier Arthur Beterbiev et de l'intronisation de Tim Raines au Temple de l'Armée qui aura lieu en fin de semaine à Cooperstown. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.